إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, on continue donc ce soir la lecture du chapitre du jeûne tiré de l'ouvrage Manhaj al-Salikin de l'éminent Cheikh Abd al-Rahman ibn Nasir al-Nasiri rahimahullah ta'ala. Nous avons vu hier la définition du jeûne, les preuves de son obligation ainsi que ses sagesses et également les conditions rendant le jeûne obligatoire. Nous allons voir aujourd'hui, inshallah ta'ala, les paroles de l'auteur concernant les excuses permettant de rompre le jeûne, c'est-à-dire les situations dans lesquelles il est permis aux musulmans de ne pas jeûner. Il a commencé en disant, rahimahullah, والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصيام. Et le malade à qui le jeûne porte préjudice, ainsi que le voyageur, ont le choix entre la rupture et le jeûne. Le Cheikh rahimahullah ta'ala a donc commencé par la mention de ces deux excuses, qui sont la maladie et le voyage. Et ces excuses sont celles que l'on retrouve dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala au verset 184 de Surat al-Baqara: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Celui parmi vous qui est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Ce verset est une preuve qu'il est permis aux malades et aux voyageurs de ne pas jeûner durant le mois de Ramadan, puis de rattraper les jours manqués. Donc concernant le malade, le Cheikh rahimahullah ta'ala a précisé que c'est celui à qui le jeûne porte préjudice, c'est-à-dire que celui qui est malade d'une maladie qui ne l'empêche pas du tout de jeûner, et que jeûner ne lui porte pas préjudice, ne lui impose aucune difficulté, n'aggrave pas sa maladie, ne retarde pas sa guérison, alors celui-ci n'est pas concerné par cette permission. Mais celui pour qui il est permis de ne pas jeûner, c'est celui qui est touché par une des choses mentionnées. Le fait d'être malade lui impose une grande difficulté pour jeûner. Ou bien il craint que s'il jeûne, sa maladie s'aggrave. Ou alors que sa guérison soit retardée. Dans ce cas-là, il lui est permis de ne pas jeûner. Et le Cheikh rahimahullah ta'ala nous dit qu'il a le choix entre le fait de jeûner ou ne pas jeûner. C'est-à-dire que s'il jeûne, son jeûne est valide. Toutefois, si jeûner lui cause du tort, aggrave sa maladie ou retarde sa guérison, alors il est préférable pour lui de ne pas jeûner et de profiter de cette permission qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordée. Et la maladie est de deux sortes. Il y a la maladie qui est temporaire et dont on espère la guérison. Dans ce cas-là, une fois guéri, le malade devra rattraper les jours qu'il a manqués durant sa maladie. Et le deuxième type de maladie, c'est celle dont on n'espère pas la guérison, ou alors celle de celui qui est dans l'incapacité constante de jeûner. Alors celui-ci, il va rompre durant le Ramadan, et le rattrapage ne sera pas obligatoire car il n'en a pas les capacités. Mais il devra s'acquitter d'une compensation, comme on va le voir, incha'Allah ta'ala. La deuxième excuse, le Cheikh rahimahullah ta'ala a mentionné le voyage. En effet, il est permis aux voyageurs de rompre durant le mois de Ramadan, puis de rattraper les jours manqués durant son voyage, comme vous l'avez entendu dans le verset. De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à celui qu'il avait interrogé au sujet du jeûne durant le voyage: si tu veux, jeûne, et si tu veux, ne jeûne pas. Et ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala. Et dans un autre hadith, il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti de la Mecque durant le Ramadan en jeûnant. Puis lorsqu'il a atteint le Qadid, qui est un endroit situé entre Médine et la Mecque, il a rompu son jeûne et les gens ont ainsi rompu. Tout ceci nous prouve la permission pour le voyageur de rompre son jeûne durant le mois de Ramadan. Et les gens de science ont précisé que le voyage qui permet de rompre le jeûne est le voyage licite. C'est-à-dire que si une personne voyage avec pour objectif de commettre un péché, ou alors que ce voyage n'est qu'une ruse afin de pouvoir rompre son jeûne, alors celui-ci, il ne lui est pas permis de rompre durant son voyage. Car le voyage qui permet de profiter de cette permission, c'est le voyage qui est licite. Et comme pour le malade, le cheikh rahimahullah ta'ala nous a dit que le voyageur a le choix entre le fait de jeûner ou ne pas jeûner. Et comme vous l'avez vu, il a tiré cela de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si le voyageur décide de jeûner, son jeûne sera valide insha'Allah ta'ala. Comme le démontre le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, d'après Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, qui a dit: lorsque nous voyagions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jeûneur ne blâmait pas le non-jeûneur et le non-jeûneur ne blâmait pas le jeûneur. C'est-à-dire qu'ils voyageaient ensemble, certains parmi eux jeûnaient et d'autres ne jeûnaient pas. Et ceci revient à la volonté de la personne mais aussi à sa situation. C'est-à-dire que si tu voyages et qu'il est difficile pour toi de jeûner durant ton voyage, ou alors que le jeûne te porte préjudice, dans ce cas, il est préférable pour toi de ne pas jeûner et de profiter de cette permission. En effet, lors d'un voyage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme autour de qui les gens s'étaient réunis et à qui il faisait de l'ombre en raison de la forte chaleur. Et ce, car cet homme jeûnait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc dit: il ne fait pas partie de la piété de jeûner lors d'un voyage. Et ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Les gens de science ont dit que ce hadith concerne celui pour qui le jeûne est difficile ou à qui il porte préjudice durant son voyage. Quant à celui à qui le jeûne n'est pas difficile et à qui il ne porte pas préjudice, alors il a le choix entre le fait de jeûner ou ne pas jeûner. Ensuite, le cheikh, rahimahullah ta'ala, a dit: Wal-ha'idhu wan-nufasa يحرم عليهم الصيام وعليهم القضاء. Et la femme qui a les menstrues ou les lochies, il lui est interdit de jeûner et elle doit rattraper, c'est-à-dire rattraper les jours manqués durant la période des menstrues et des lochies. Donc durant cette période, le jeûne est interdit pour la femme et il est obligatoire pour elle de ne pas jeûner. Et si elle jeûne, son jeûne ne serait pas valide. La preuve à ce sujet est le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, d'après Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: n'est-ce pas que lorsqu'elle a ses menstrues, elle ne prie pas et ne jeûne pas? Ceci nous prouve donc que la femme ne prie pas et ne jeûne pas durant cette période. Donc, dès l'apparition du sang des menstrues, durant une journée de Ramadan, le jeûne de la femme est rompu, même si cela n'a lieu que quelques minutes avant le coucher du soleil. Et ça, c'est très important. Il ne faut pas penser que sous prétexte qu'il ne restait que quelques minutes, le jeûne est valide. Mais à partir du moment où le sang est apparu avant le coucher du soleil, le jeûne est invalide et le rattrapage de ce jour est obligatoire. Mais si en fin de journée, la femme commence à ressentir certaines douleurs, dû à la venue de ses menstrues, mais que le sang n'apparaît qu'après le coucher du soleil, dans ce cas-là, son jeûne est valide, insha'Allah ta'ala. Une fois le mois de Ramadan terminé et la femme purifiée, il lui incombera alors de rattraper ses jours manqués. La preuve à ce sujet est le hadith rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala. D'après Mu'adha, rahimahallah, qui a dit qu'elle a interrogé Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, lui a dit: pourquoi celle qui a ses menstrues rattrape le jeûne et ne rattrape pas la prière? Alors Aïcha lui répondit: es-tu Haruriya? Elle lui a demandé si elle faisait partie du groupe des Haruriya, qui était le nom donné aux Khawarij à cette époque. Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, a commencé par l'interroger à ce sujet car il était connu chez ce groupe qu'ils ordonnaient à leurs femmes, une fois purifiées, de rattraper les prières manquées. Donc cette question a attiré l'attention de Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Elle a donc voulu s'assurer que Mu'adha ne fasse pas partie de ce groupe, avant même de lui répondre à sa question. Alors, Mu'adha lui répondit: je ne suis pas Haruriya, mais j'interroge. Je m'interroge sur cette question seulement, et je ne fais pas partie de ce groupe. Et méditez sur le fait que cette femme, Mu'adha, malgré qu'elle ignorait un sujet de base lié à sa purification et sa prière, elle n'ignorait pas qui était al-Haruriyya. Lorsque Aïcha l'a interrogée, elle n'a pas dit « Mais, ô Aïcha, qui sont al-Haruriyya ?» Mais elle a su qui était ce groupe et qui était désigné par cette question. Qu'est-ce que cela nous prouve? Cela nous prouve qu'au temps des compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, et à l'époque de nos pieux prédécesseurs, rahimahumullahu ta'ala, la mise en garde contre les gens du faux, contre les innovateurs en religion, était répandue, même chez les gens du commun parmi les musulmans. Cette femme qui ignore une question au sujet de sa prière et sa purification, savait qui était al-Haruriyya, car les mises en garde contre ce groupe égaré lui étaient parvenues. Et ceci nous prouve qu'il n'est pas contraire à la sunna, ni contraire à la voie des pieux prédécesseurs, de mettre en garde les gens du commun contre les gens du faux et de l'égarement parmi les gens de l'innovation et des passions. Ceci était donc une petite parenthèse à ce sujet. Mu'adha lui a donc dit « Je ne suis pas Haruriyya, mais j'interroge. » Alors Aïcha radiyallahu ta'ala anha lui a dit « Ceci nous arrivait au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam et on nous ordonnait de rattraper le jeûne et pas la prière. » Regardez l'éducation des compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Ceci nous arrivait au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous ordonnait de rattraper le jeûne, mais il ne nous ordonnait pas de rattraper la prière. Donc, nous avons entendu et obéi. Et nous ne faisons en religion que ce qui a été légiféré pour nous. Et tel doit être le comportement du musulman. Même si la sagesse d'une législation t'échappe, que tu ne la saisis pas, que tu ne la connais pas ou que tu ne la comprends pas, il t'incombe de te soumettre à cette législation, comme le faisaient les compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Quoi qu'il en soit, ce hadith nous prouve l'obligation pour la femme qui a ses menstrues ou ses lochis de rattraper son jeûne manqué durant le mois de Ramadan, une fois purifié, après le mois de Ramadan. Ensuite, le cheikh, rahimahullah ta'ala, a mentionné une autre catégorie de personnes qui concerne toujours la femme et qui est lorsqu'elle est enceinte ou lorsqu'elle allait. Et il a dit « وَالْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ إِذَا خَافَتَ عَلَى وَلَدَيْهِمَا أَفْطَرَتَ وَقَضَتَ وَأَطْعَمَتَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينَ » La femme enceinte et celle qui allait, si elles ont peur pour leur enfant, elles rompent, puis elles rattrapent, puis elles nourrissent pour chaque jour un pauvre. Donc le shir, rahimahullah ta'ala, nous a exposé ici trois jugements. Premièrement, la permission pour la femme enceinte et celle qui allait de rompre le jeûne durant le mois de Ramadan. La preuve à ce sujet est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Certes, Allah a dispensé le voyageur de la moitié de la prière et du jeûne. » Comme vous le savez, lorsque le musulman est en voyage, il accomplit les prières de quatre unités en seulement deux unités, en ce qui concerne le dhuhr, l'asr et l'isha. Et également, on vient de voir qu'il a la permission de ne pas jeûner. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Certes, Allah a dispensé le voyageur de la moitié de la prière et du jeûne. » Puis il a dit « Et la femme enceinte est celle qui allait du jeûne. » Et ce hadith est rapporté par At-Tirmidhi, An-Nasa'i et d'autres, et Al-Albani l'a déclaré bon, rahimahumullahu ta'ala. Donc ce hadith, il nous prouve très clairement que comme pour le voyageur, il est permis à la femme enceinte et celle qui allait de ne pas jeûner. C'est-à-dire que si le jeûne est pour elle difficile, ou alors qu'elle craint des complications en raison de sa grossesse, et qu'elle a peur pour l'enfant qu'elle porte en son ventre, alors il lui est permis de ne pas jeûner. De même lorsqu'elle allait, si la femme souffre d'un manque de lait, et que lorsqu'elle jeûne, elle n'a pas suffisamment de lait pour allaiter son enfant, alors il lui est permis de ne pas jeûner afin de pouvoir l'allaiter correctement. Ensuite, le shaykh, rahimahullah ta'ala, nous dit que suite à cette rupture, la femme devra rattraper les jours manqués et nourrir pour chaque jour un pauvre. Donc ceci est un des avis parmi les avis des gens de science. Certains ont dit que la femme enceinte et celle qui allait doivent seulement rattraper dans le cas où elles n'ont peur que pour elles-mêmes. Mais si la peur concerne l'enfant qu'elle porte en son ventre ou le nourrisson qu'elle allait, alors, elle devra en plus nourrir un pauvre pour chaque jour manqué en plus du rattrapage. Et ils se sont basés pour cela sur la parole d'Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma qui a dit: si la femme qui allait et celle qui est enceinte ont peur pour leurs enfants, alors qu'elles rompent et qu'elles nourrissent, c'est-à-dire qu'elles nourrissent un pauvre pour chaque jour manqué. D'autres parmi les gens de science ont mentionné qu'il ne lui incombe que la compensation et qu'elle n'a pas à rattraper, c'est-à-dire ils ont dit que si elle rompt son jeûne lorsqu'elle est enceinte ou lorsqu'elle allait, elle n'a pas à rattraper ce jeûne, mais elle doit seulement compenser en nourrissant un pauvre pour chaque jour manqué. Et l'avis le plus juste sur cette question, Wallahu ta'ala a'lam, est qu'il n'incombe à la femme qui est enceinte ou qui allait que de rattraper ses jours manqués. Il ne lui incombe que le rattrapage et rien d'autre. Quelle est la preuve à ce sujet? La preuve est le hadith que l'on a mentionné. Certes, Allah a dispensé le voyageur de la moitié de la prière et du jeûne, et la femme enceinte et celle qui allait du jeûne. Qu'est-ce qu'il fait le voyageur lorsqu'il manque des jours durant son voyage? Il les rattrape. Donc, la femme enceinte et celle qui allait, lorsqu'elle va manquer des jours du mois de Ramadan en raison de sa grossesse ou en raison de l'allaitement, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va les rattraper. Et le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, a mentionné que même si le Ramadan suivant arrive, à supposer que l'an passé, une femme était enceinte et n'a pas pu jeûner. Puis ensuite, tout au long de l'année, elle a allaité son enfant et elle n'a pas pu rattraper. Et vient ce mois de Ramadan. Alors elle est excusée et elle pourra rattraper ses jours manqués même l'année suivante et il n'y a pas de jeûne en cela. Inch'Allah ta'ala. Pourquoi? Car son excuse a perduré. Et il faut savoir que concernant cette question, les femmes diffèrent et ne sont pas toutes semblables. Il y en a certaines pour qui le jeûne ne cause aucun préjudice durant leur grossesse ou leur allaitement et qui peuvent jeûner sans difficulté. Et d'autres pour qui cela est difficile et demande plus d'efforts. Donc, chacun évaluera sa situation en fonction de ses capacités. Enfin, le Cheikh, rahimahullah ta'ala, a mentionné une autre catégorie de personnes et il a dit: وَالْعَاجِزُ عَنِ الصَّوْمِ لِكِبَرٍ وَمَرَضٍ لَا يُرْجَى بُرْءُهُ فَإِنَّهُ يُطْعِمُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا. Et celui qui est incapable de jeûner en raison de la vieillesse ou d'une maladie dont on n'espère pas la guérison, alors il devra nourrir un pauvre pour chaque jour, c'est-à-dire un pauvre pour chaque jour de jeûne manqué. Arrivé à un certain âge, il se peut que la personne ne puisse plus jeûner, qu'elle n'en ait plus les capacités. Également, en raison de certaines maladies, il peut arriver à la personne d'être dans l'incapacité de jeûner, ou alors que le jeûne aggrave sa maladie. Donc si cette maladie est une maladie dont elle n'espère pas être guérie, elle ne pourra ni jeûner pendant Ramadan, ni après le mois de Ramadan. Dans ce cas-là, que doit-elle faire? Le Cheikh nous dit, elle devra compenser en nourrissant un pauvre pour chaque jour manqué. La preuve à ce sujet est ce qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. D'après Atta, rahimahullah, qui a entendu Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, réciter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala au verset 184 de Surat al-Baqarah. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةً طَعَامُ مِسْكِينَ » Et pour ceux qui ne peuvent le supporter, il y a une compensation qui est de nourrir un pauvre. Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma a dit « Ce verset n'est pas abrogé, mais il concerne l'homme et la femme qui sont âgés et qui ne peuvent pas jeûner. Ils doivent nourrir un pauvre pour chaque jour manqué. » Donc ceci concerne uniquement celui qui est dans l'incapacité totale de jeûner, c'est-à-dire qu'il ne peut jeûner ni pendant le Ramadan, ni après le Ramadan. Mais si la personne espère la guérison de sa maladie, alors, comme on l'a dit, elle devra rattraper ses jours manqués. Et comment nourrir les pauvres pour cette compensation? On peut les nourrir en leur préparant un repas qui va les rassasier, comme cela est rapporté de Anas ibn Malik, radiyallahu ta'ala anhu, que lorsqu'il s'est affaibli et qu'il n'a pas pu jeûner, il a alors préparé un repas et a invité 30 pauvres et les a rassasiés. Ceci est donc une des manières pour effectuer cette compensation. Également, il est permis, comme l'ont mentionné les gens de science, de donner un demi-sa' de nourriture, comme du riz par exemple, ou autre parmi les aliments semblables parmi les denrées communes du pays, comme les denrées que l'on donne pour Zakat al-Fitr, sauf qu'il donnera la moitié de la mesure demandée pour Zakat al-Fitr. On a vu que ce qui est légiféré pour Zakat al-Fitr, c'est un sa'. On a expliqué à quoi il correspondait et on a vu que le mieux était de l'évaluer à 3 kilos. Donc ici, en ce qui concerne la compensation pour celui qui n'est plus en mesure de jeûner, qui est dans l'incapacité totale de jeûner, ne peut ni jeûner durant Ramadan, ni rattraper, il devra donner pour chaque jour un demi-sa', c'est-à-dire 1,5 kilo. Il donnera 1,5 kilo de riz, ou 1,5 kilo de pâtes, ou autre aliment semblable parmi les denrées communes des gens du pays. Et ce, pour chaque jour manqué. C'est-à-dire que, si le mois fait 30 jours, il devra alors donner 45 kilos de riz afin de compenser ce mois de jeûne, ou autre parmi les aliments semblables. Ceci concernait donc les excuses permettant de rompre le jeûne durant le mois de Ramadan. Ensuite, le cheikh, rahimahullah ta'ala, a fait suivre cela de la mention des annulatifs du jeûne, c'est-à-dire les choses qui, si elles sont faites, le jeûne est annulé et il incombe à la personne de le rattraper. Il a dit, rahimahullah, « وَمَنْ أَفْطَرَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ فَقَطْ » Et celui qui rompt son jeûne, alors il ne lui incombe que de rattraper. S'il a rompu son jeûne suite à une excuse, comme on l'a vu en raison d'un voyage, en raison d'une maladie, en raison de la grossesse ou de l'allaitement ou autre, alors il ne lui incombe que de rattraper son jeûne. Mais s'il a rompu son jeûne sans excuse, il ne faisait pas partie de ceux pour qui il est permis de rompre le jeûne, alors il a certes commis un grave péché. Et en plus de rattraper ce jeûne, il lui incombe de se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala de ce péché et d'implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les gens de science ont mentionné qu'après le mois de Ramadan, il devra immédiatement rattraper ce jour durant lequel il a rompu sans excuse, car il n'est pas semblable à celui qui avait une excuse. Comme on le sait, celui qui a été malade ou celui qui a voyagé, il a toute l'année jusqu'au Ramadan suivant pour rattraper son jeûne. Mais celui-ci, il a rompu volontairement sans excuse. Alors ce délai ne lui est pas accordé, mais il doit s'empresser de se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala et de rattraper son jour durant lequel il a rompu sans excuse. Il rattrape donc, se repent, implore le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il n'a pas de compensation, car il n'y a aucune preuve dans le Coran ou la Sunna imposant pour cela une compensation, une expiation particulière. Donc le cheikh rahimahullah ta'ala nous mentionne ensuite ce qui annule le jeûne et il dit « Ida kana fitruhu bi aklin ou bi shurbin » Il doit seulement rattraper, il n'a pas d'expiation si il a rompu son jeûne avec de la nourriture ou de la boisson. En effet, le fait de boire ou de manger volontairement font partie des choses annulant le jeûne. La preuve à ce sujet est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala au verset 187 de Sourate Al-Baqarah, lorsqu'il dit وَكُلُوا وَشَرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ». Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit, puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit, c'est-à-dire, puis ne mangez plus et ne buvez plus jusqu'à la nuit, jusqu'au coucher du soleil. Donc ce verset nous démontre très clairement qu'il n'est pas permis pour le jeûneur de manger et de boire après le lever de l'aube, et ce, jusqu'au coucher du soleil. Donc celui qui boit ou qui mange volontairement, son jeûne est rompu, et il lui incombe de le rattraper, et comme on a dit, de se repentir et d'implorer le pardon d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et on verra par la suite que celui qui mange ou boit par oubli, alors son jeûne est valide, car le cheikh rahimahullah ta'ala nous a mentionné le hadith à ce sujet. Et les gens de science ont mentionné que parmi les choses similaires à la boisson et la nourriture, il y a les gouttes nasales, les gouttes que l'on met dans le nez, et également tout ce qui atteint l'estomac, même si cela ne passe pas par la bouche. Et également tout ce qui a le même jugement que la nourriture et la boisson, à l'exemple des perfusions nutritives. Les perfusions qui permettent à la personne de se passer de boire et de manger. Celles-ci, elles annulent le jeûne. Donc, si la personne est malade, qu'elle est hospitalisée et qu'elle a besoin de ces perfusions, alors il n'y a pas de jeûne, inshallah ta'ala. Toutefois, son jeûne est annulée et elle devra rattraper ce jour ou ces jours durant lequel elle s'est faite injecter ses perfusions. Quant aux autres injections qui sont non nutritives, à l'exemple de l'insuline ou autre chose semblable, parmi les injections qui n'ont pas le même jugement que la nourriture et la boisson, c'est-à-dire qu'elles ne permettent pas à la personne de se passer de boire et de manger. Alors celles-ci, elles n'annulent pas le jeûne, inshallah ta'ala. Toutefois, les gens de science ont mentionné que si la personne a la possibilité de les retarder au soir, alors ceci est meilleur et préférable. Ensuite, le cheikh, rahimahullah ta'ala, a mentionné un autre annulatif et il a dit « au qay'in amdan » ou alors « en vomissant volontairement ». Donc celui qui a rompu son jeûne en vomissant volontairement, il devra rattraper ce jour de jeûne. La preuve à ce sujet est le hadith rapporté par Abu Dawud, At-Tirmidhi et d'autres, et jugé authentique par Al-Albani, rahimahumullah ta'ala, d'après Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, qui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui sur qui le vomissement a pris le dessus n'a aucun rattrapage à faire. Quant à celui qui a vomi volontairement, alors qu'il rattrape, c'est-à-dire qu'il rattrape son jeûne. On voit donc à travers ce hadith que le vomissement qui annule le jeûne, c'est le vomissement qui est volontaire. Comme si la personne le provoque en introduisant ses doigts au fond de sa bouche ou autre chose semblable. Mais si la personne est malade et vomit involontairement, que le vomissement prend le dessus, qu'elle ne peut pas s'en empêcher, elle ne peut pas le retenir, alors il n'y a pas de jeûne et elle est excusée, inshallah ta'ala. Et si elle souhaite continuer de jeûner, alors son jeûne est valide et cela ne lui porte aucun préjudice, inshallah ta'ala. Ensuite, le cheikh, rahimahullah ta'ala, a dit « au hijama » ou alors une hijama. Si la personne pratique une hijama durant un jour de jeûne, alors son jeûne est annulé. Donc la hijama, comme vous le savez, c'est cette opération qui consiste à extraire du sang de la peau à l'aide de ventouses ou autre. Donc lorsque le jeûneur subit une hijama, son jeûne est annulé. La preuve à ce sujet est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Celui qui pratique la hijama et celui sur qui elle est pratiquée ont rompu leur jeûne. » On voit donc à travers ce hadith que celui qui subit la hijama, son jeûne est annulé, mais également celui qui la pratique. Mais ceci mérite plus d'explications et plus de détails. En effet, les gens de science ont dit que celui qui pratique la hijama, son jeûne est annulé dans le cas où il pratique la hijama à la manière où elle était pratiquée au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que celui qui pratiquait la hijama afin d'aspirer le sang et le faire sortir de la peau, il utilisait une sorte de tube qui était placé sur le patient. Et donc en aspirant, il se pouvait que du sang atteigne sa bouche. Et c'est pour cela que dans cette situation, son jeûne est annulé. Mais s'il la pratique à l'aide d'ustensiles séparés comme la plupart le font aujourd'hui à l'aide de ventouses, dans ce cas-là, le jeûne de celui qui la pratique n'est pas annulé, inshallah ta'ala. S'il y a par exemple une personne qui est malade et qui a besoin d'une hijama durant la journée, alors il n'y a pas de jeûne, il peut lui pratiquer et son jeûne n'est pas annulé. Seul le jeûne de celui qui l'a subi sera annulé. Et certes, cette question est une question au sujet de laquelle les gens de science ont divergé, car ils ont divergé sur l'authenticité ou non de ce hadith. Mais quoi qu'il en soit, la hijama, elle affaiblit celui qui l'a subi. Et cette faiblesse, elle pourrait pousser la personne à rompre son jeûne. C'est pour cela qu'il est préférable, même pour celui qui pense que celle-ci n'annule pas le jeûne, de la délaisser durant les journées de jeûne de Ramadan. Et que s'il en a besoin, alors il y a recours durant la nuit. Et ce, afin de préserver la validité de son jeûne et de sortir de la divergence des gens de science. Et concernant cette question, les savants ont dit que parmi les choses similaires à la hijama, il y a le fait d'extraire le sang dans le but de le donner. Il n'est donc pas permis durant le jour de jeûne pour le musulman d'aller donner son sang, pour les raisons que l'on a mentionnées. Quant au fait que la personne perde du sang suite à une blessure, si par exemple elle se fait déraciner une dent, ou alors qu'elle saigne du nez, alors ceci n'a aucune incidence sur la validité du jeûne, inshallah ta'ala. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala a dit « au imna'in bimubasharah » si la personne a une sortie de liquide séminal suite au toucher, son jeûne est annulé. La preuve à ce sujet Et le hadith rapporté par Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, dans lequel il est rapporté que le jeûneur délaisse sa nourriture, sa boisson et son désir pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci nous prouve donc qu'il incombe au jeûneur de délaisser le fait de boire et de manger, mais également de délaisser ce qui est lié au désir. Et ce qui est visé par le désir ici, ce sont les rapports intimes, mais également la sortie du liquide séminal suite à un désir. Donc si le liquide séminal sort suite à un désir, que ce soit suite au toucher, une embrassade, des caresses, ou alors des regards répétitifs, ou autre chose semblable, le jeûne est invalidé. Et il incombera à cette personne de rattraper ce jour de jeûne. Le jeûneur doit donc s'écarter de tout ce qui éveille ses désirs. Et entre dans cela le fait de faire sortir volontairement le liquide séminal de façon solitaire avec sa main ou autre. Ceci est interdit, et d'autant plus durant le jeûne. Quant à la sortie du liquide séminal, suite à un rêve, durant le sommeil de la personne, même si cela a lieu durant une journée du mois de Ramadan, le jeûne est valide et n'est pas annulé. Et il en est de même pour celui duquel le liquide séminal sort en raison d'une maladie ou autre. À partir du moment où cela n'a pas lieu avec désir, alors le jeûne n'est pas annulé, inshallah ta'ala. Et le liquide séminal, al-mani, n'est pas à confondre avec le liquide pré-séminal, al-madi. Car la sortie du madi, du liquide pré-séminal, n'annule pas le jeûne. Même si cela a lieu suite à l'éveil des désirs, comme après avoir embrassé son épouse, l'avoir touchée ou l'avoir regardée ou autre chose semblable. Toutefois, il convient à la personne qui jeûne de s'éloigner de tout ce qui pourrait éveiller ses désirs, afin de préserver la validité de son jeûne ainsi que sa récompense. Et d'autant plus, il incombe aux musulmans de s'écarter de tout ce qui est interdit, des choses qui pourraient éveiller ses désirs parmi les choses qu'il n'a pas le droit de regarder, que ce soit en vrai ou à travers un écran. Le péché est le même et reste interdit. Il doit donc s'en écarter en tout temps, et d'autant plus lorsqu'il jeûne, afin de préserver la récompense de son jeûne. Donc ces annulatifs que le cheikh rahimahullah ta'ala a mentionnés, s'ils ont lieu durant une journée de jeûne du mois de Ramadan, la personne devra seulement rattraper. Puis le cheikh rahimahullah ta'ala nous donne une exception parmi les annulatifs qui, celui-ci doit être accompagné d'une expiation. Il dit « Illa man aftara bi jima' fa innahu yagli wa ya'tiqu raqabah » فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهَرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا. À l'exception de celui qui a rompu son jeûne suite à un rapport intime, alors il devra rattraper et, c'est-à-dire en guise d'expiation, affranchir un esclave s'il ne peut pas jeûner 2 mois consécutifs, c'est-à-dire 60 jours consécutifs sans interruption, et s'il ne peut pas alors nourrir 60 pauvres. La preuve à ce sujet est le hadith rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala. D'après Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu qui a dit « Alors que nous étions assis auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme est venu et a dit « Oh messager d'Allah, j'ai péri !» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors demandé ce qu'il avait. Il lui a dit « J'ai eu un rapport avec ma femme alors que je jeûne. » Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a alors dit « Trouves-tu un esclave que tu pourrais affranchir ?» L'homme répondit que non. Il lui dit ensuite « Peux-tu jeûner 2 mois consécutifs ?» L'homme répondit que non. Il lui dit « Trouves-tu de quoi nourrir 60 pauvres ?» L'homme lui répondit que non. On voit donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné cette expiation dans cet ordre. Tout d'abord, l'affranchissement d'un esclave, s'il ne peut pas, le jeûne de 2 mois consécutifs, et s'il ne peut pas, alors nourrir 60 pauvres. Telle est l'expiation pour celui qui a commis ce grave péché durant une journée de jeûne du mois de Ramadan. Et bien sûr, il devra en plus de cela se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala d'un repentir sincère et implorer sincèrement son pardon. Après cela, le cheikh rahimahullah ta'ala nous a mentionné un hadith comme pour nous indiquer que pour que le jeûne soit annulé, il y a des conditions. Et il a dit وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فآكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه متفق عليه. Celui qui oublie alors qu'il jeûne et mange ou boit alors qu'il complète son jeûne, ce n'est qu'Allah qui l'a nourri et abreuvé. Et ce hadith est rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allahu ta'ala. On voit donc à travers ce hadith que si une personne commet un des annulatifs du jeûne par oubli, il voit une bouteille d'eau devant lui, il l'ouvre et en boit une gorgée, puis après il se rappelle qu'il jeûne. Alors, dans ce cas-là, son jeûne est valide et il est excusé. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné dans ce hadith de continuer de jeûner. Cela prouve la validité de son jeûne. Mais dès qu'il se souvient, il est obligatoire pour lui de s'abstenir. C'est-à-dire que même s'il a encore quelque chose dans la bouche, il ne doit pas l'avaler. Il doit immédiatement le faire ressortir de sa bouche. Car une fois qu'il se rappelle, il n'est plus excusé. Et de la même manière, si tu vois quelqu'un en train de boire ou de manger alors qu'il jeûne, durant une journée de mois de Ramadan, il y a certaines personnes, en lisant ce hadith, ils se disent « Il est excusé car il a oublié, donc je le laisse. » Non, c'est une erreur. Lui, il a oublié, mais toi, tu n'as pas oublié. Donc tu te dois de lui rappeler, de l'avertir, de le rappeler à l'ordre, de lui dire « As-tu oublié que tu jeûnes? Tu ne peux pas boire, tu ne peux pas manger. » Et ceci fait partie de l'entraide dans le bien et la piété. Ceci est donc une des conditions pour que un de ces annulatifs annule le jeûne de la personne, qu'elle en soit consciente, que ceci n'est pas lieu par oubli. Et si cela a lieu par oubli, la personne est excusée. Également, parmi les conditions que les gens de science ont mentionnées, il y a le fait que la personne en ait connaissance. C'est-à-dire que si elle est ignorante, elle ne sait pas, par exemple, que la hijama annule le jeûne, et elle subit une hijama durant une journée de jeûne. Alors, en raison de son ignorance, son jeûne n'est pas annulé. Et la troisième condition que les gens de science ont mentionnée est que la personne fasse cela de sa propre volonté. C'est-à-dire que celui qui est contraint ou qui fait cela involontairement, alors son jeûne est invalide. Si par exemple, lors des ablutions, une personne avale involontairement une goutte d'eau lors du rinçage de la bouche ou du nez, ceci n'est pas de sa propre volonté, mais c'est involontaire, c'est une erreur. Alors cela ne lui nuit pas, et son jeûne est valide, inshallah ta'ala, tant que cela est involontaire. Toutefois, comme on le verra dans le cours de demain, il ne convient pas d'exagérer lors du rinçage de la bouche et du nez lorsque l'on jeûne. Ceci sont donc les trois conditions pour que le jeûne de la personne soit annulé suite à un de ces annulatifs. Que la personne l'ait faite en étant consciente que cela ne soit pas un oubli, qu'elle en ait connaissance, qu'elle ne soit pas ignorante au sujet de ce jugement, et que cela soit fait de sa propre volonté, que cela ne soit pas sous la contrainte, ni involontairement. On va donc s'arrêter là pour ce soir, incha'Allah ta'ala, et on verra dans le cours de demain quelques hadiths que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionnés au sujet des choses recommandées durant le jeûne, ainsi qu'au sujet du comportement du jeûneur, puis sur les jeûnes recommandés, interdits et détestables. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم